AXA, premier assureur des pros. Mon fils, il est dans les chiffres. Il les examine, il fait des analyses, il a son cabinet, comme les médecins. Soutenir son fils, pour Carole, rien de plus normal. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr. Étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. La lutte contre le racisme et la discrimination raciale, et plus généralement la lutte pour le respect des droits de l'homme, Claude Lévi-Strauss, est au cœur de l'idéologie du système des Nations Unies. UNESCO, 1971. Au terme de la charte signée à San Francisco le 26 juin 1945, l'un des buts des Nations Unies est en effet, et je cite, de réaliser la coopération internationale en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Quand la recherche s'empare de la question de la race. Christelle Le Polotec et Somani Na. Non, la race n'existe pas. Si, la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités, écrivait Colette Guillaumin en 1981. 40 ans plus tard, la question de la race ressurgit massivement dans la société française. Elle est même, depuis quelques mois, avec la question de genre, au centre de polémiques de plus en plus virulentes dans les médias. Décolonialisme, racialisation, intersectionnalité, ces termes sont partout dans le débat public, sans qu'on sache toujours à quoi il renvoie exactement. Nous sommes allés à la rencontre des signataires de ces tribunes qui s'inquiètent de l'entrisme décolonial à l'université, mais aussi des chercheurs en sciences sociales, à l'université ou à l'EHESS, qui travaillent sur ces sujets, pour certains depuis des décennies. Une invitation à déplacer notre regard sur ces questions qui ne sont pas à la périphérie, mais bien au cœur de notre société. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, quand on a reconstruit, après le nazisme, et les sociétés européennes, et surtout l'appareil intellectuel qui devait se développer... Patrick Simon, chercheur à l'INED. On a plus ou moins trouvé un consensus pour évacuer le terme de race, le concept de race, dans les travaux scientifiques et dans les débats publics, en particulier l'utilisation en politique, dans les lois et dans les... et dans les expressions publiques dans la plupart des pays européens, en pensant que finalement ne pas en parler, c'était la bonne solution pour attaquer le racisme. Alors ce parti pris, d'abord il y a une première contradiction qui est quand même gênante, qui est que dans le même temps où on affirme il n'est pas souhaitable, il est illégitime de parler de race, on continue à avoir un empire colonial dans lequel l'organisation politique et juridique prend en compte en partie, et de façon plus ou moins directe, les dimensions raciales. Après, on redevient cohérent après la décolonisation, où on arrête finalement d'entretenir ces systèmes-là. Donc on peut dire, ça y est, on a enfin réussi à trouver une forme de cohérence. Le problème, c'est qu'en fait, on est très vite confronté à une transformation de la situation par l'immigration importante venant des anciens espaces dans lesquels on a racialisé à outrance. Et donc en particulier les anciens pays colonisés. Et c'est là où on se retrouve avec cette tension qui fait que on a du mal à rendre compte de cette situation de racisme. Et c'est pour ça que dans l'approche française du racisme, jusque dans les années 70, un des gros combats, c'était de travailler justement contre le racisme idéologique, hein, celui de l'extrême droite, celui de pensée intellectuelle qui revendiquait en fait des visions d'infériorité des populations liées à la race, et très peu en définitive sur les formes concrètes que prenait ce racisme dans la vie quotidienne. Précisément parce que dans la vie quotidienne, la sociologie dont c'était le rôle, elle ne voyait que des classes, elle ne voyait pas des races. Donc en fait, on ne contredisait pas cette conviction collective qu'on était devenu aveugle à la race. Et c'est là où ce système d'illégitimité de l'expression autour de la race et du racisme a amené une forme différente de racisme, qu'on peut qualifier de discrimination. C'était en fait des pratiques qui ne se considèrent pas comme racistes, mais qui ont des conséquences racistes à l'égard des personnes qui sont traitées. Et là, ça devient plus compliqué parce qu'évidemment, on passe son temps à devoir dire à des personnes, ou en tout cas à des systèmes de sélection, par exemple, eh bien, vous êtes discriminant, alors que les mêmes personnes se considèrent très au-dessus de tout ça. Ils disent, non, les racistes, c'est ceux-là, là. On les connaît bien. Ils ont tel discours, mais moi, je ne pense pas ça du tout. Et donc, s'avouer soi-même que, malgré soi, d'une certaine façon, on met en œuvre des préjugés, des stéréotypes, et qu'on aboutit finalement à faire la même chose que ce que d'autres avec des idéologies racistes ont pu faire, c'est très gênant. Le racisme, dans un nombre de plus en plus grand de circonstances, se cache. Frantz Fanon, septembre 56. Celui qui prétendait les sentir, les deviner, se découvre visé, regardé, jugé. Le projet du raciste est alors un projet hanté par la mauvaise conscience. Le salut ne peut lui venir que d'un engagement passionnel, tel qu'on en rencontre dans certaines psychoses. Et ce n'est pas l'un des moindres mérites du professeur Baruch que d'avoir précisé la sémiologie de ses délires passionnels. Le racisme n'est jamais un élément surajouté, découvert au hasard d'une recherche au sein des données culturelles d'un groupe. La constellation sociale, l'ensemble culturel, sont profondément remaniés par l'existence du racisme. On dit couramment que le racisme est une plaie de l'humanité. Mais il ne faut pas se satisfaire d'une telle phrase. Il faut inlassablement rechercher les répercussions du racisme à tous les niveaux de sociabilité. Quand on parle de discrimination raciale, on pointe un effet de système, en général. Sarah Mazouz, CNRS. C'est encore sur ça que ça bloque aujourd'hui. Où vous avez des inégalités qui sont produites sur un mode racial, aurais-je envie de dire, sans forcément que les personnes adhèrent activement à une idéologie raciste. Si vous voulez, c'est du racisme sédimenté, ou soit dans nos comportements, un peu comme on peut le voir aussi avec le sexisme, soit tout simplement dans des effets de structure dont en fait personne n'a conscience, à l'exception de ceux et celles à qui ça s'impose. Comme en plus on avait du mal à se saisir de la notion de race autrement que... Enfin, comme on ne disait pas le mot, tout simplement, il y a eu tout le temps un phénomène d'évitement qui a fait que la réalité des phénomènes dont on était en train de signifier la reconnaissance n'était pas en fait formulée. Et c'est là où on a la société française et ses institutions qui se débattent dans ces contradictions. Et il me semble qu'il y a une... des explications majeures dans les écarts de formes d'intervention contre les questions de racisme et discrimination entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, c'est que et la Grande-Bretagne et les États-Unis considèrent que effectivement la société est responsable du racisme. Dans le cas français, on a pu le voir avec par exemple la réaction du ministre de l'Éducation Blanquer contre l'appellation de racisme d'État. Il y a des réactions d'une violence insoupçonnée quand on commence à mettre en cause les institutions dans la question du racisme. Or, c'est le préalable. C'est-à-dire qu'il faut commencer à penser que c'est les institutions qui produisent, au-delà des individus, les institutions, leur mode de fonctionnement qui produisent les discriminations, pour qu'on puisse commencer à changer le travail institutionnel. Donc on est en train de construire une bombe à retardement entre nous, qui est une incapacité à prendre en charge les racines et les dynamiques de racisme et de discrimination, en renforçant cette stratégie de colorblindness, en disant « si on n'en parle pas, alors ça va passer ». Et ça, bon, je ne veux pas prendre des termes psychanalytiques, hein, mais c'est la scotomisation. Et en général, dans l'analyse psychanalytique, ça finit très très mal. 24 heures après la mort de deux adolescents à Clichy-sous-Bois, les circonstances du drame restent toujours confuses. Les deux jeunes sont morts, électrocutés. Étaient-ils poursuivis par la police? Des témoins l'affirment, mais les policiers démentent formellement. En tout cas, la ville a été le théâtre de violentes émeutes une bonne partie de la nuit. Une ville assiégée, des carcasses de voitures incendiées, une ambiance de guérilla. Mes chers compatriotes, les événements que nous venons de vivre sont graves. Les familles doivent prendre toutes leurs responsabilités. Celles qui s'y refusent doivent être sanctionnées comme la loi le prévoit. Celles qui connaissent de grandes difficultés doivent en revanche être activement soutenues. Ce qui est en jeu, c'est le respect de la loi, mais aussi la réussite de notre politique d'intégration. Je dirais pour ma part que le moment de bascule, c'est le milieu des années 2000, c'est-à-dire en particulier autour de 2005. Éric Fassin, Université Paris 8. Pourquoi 2005 ? Bah pour des raisons multiples, mais entre autres tout simplement, comme tout le monde peut l'imaginer aisément, parce que les émeutes des banlieues en fin d'année ont souvent été interprétées avec une grille raciale, en dénonçant par exemple la polygamie, ou bien en disant que c'était le problème de l'immigration, etc. Donc, ça n'est pas la seule raison. Il y a eu aussi le fait que ces questions étaient en train de bouillonner depuis longtemps, avec déjà la question des discriminations qui étaient présentes, mais aussi la question du racisme. Après tout, c'est après son élection en 2002 contre Jean-Marie Le Pen que Jacques Chirac va parler de ces questions au moment de faire entrer Alexandre Dumas au Panthéon, en mettant l'accent sur le fait qu'il y a là une forme de réparation. Je crois que donc c'était déjà en train de prendre forme, mais ça s'est cristallisé en 2005 avec tout un ensemble de controverses dès le début de l'année, avec la loi sur les apports positifs de la colonisation, et ensuite avec différentes controverses pendant toute l'année, qui toutes résonnent et avec la question coloniale et avec la question raciale. L'année 2005, elle commence avec l'appel des indigènes de la République au mois de janvier. Audrey Célestine, Université de Lille. Il y a des manifestations contre la loi Fillon dans l'éducation fin février, début mars. Des gamins lycéens se font racketter par des bandes et il y a un appel contre le racisme anti-blanc parce que c'est présenté comme les jeunes de banlieue qui sont venus attaquer les petits blancs lycéens parisiens qui étaient en train de manifester. En février 2005, il y a aussi la conférence à l'EHESS, Les Noirs de France, anatomie d'un groupe invisible, qui est en fait une des réunions à l'EHESS qui va lancer la création du CRAN à la fin de cette année-là. Il y a beaucoup de mobilisation autour de la mémoire de l'esclavage, mais qui en fait ont commencé bien avant ça. Oui, la loi Taubira. Il y a la loi Taubira, mais avant la loi Taubira, en 1998, il y a une marche qui réunit 40 000 personnes dans les rues de Paris, qui a une très petite couverture médiatique, mais qui est en fait une marche autour du 150e de l'abolition de l'esclavage, qui se passe à Paris vers République. Et du coup, il se passe plein de choses. Mais dès la fin des années 90, vous avez donc cette marche, vous avez des revendications lors des Césars pour davantage de diversité, pour que les minorités visibles soient plus visibles, en fait, cessent d'être invisibles. Enfin, on a plein de choses comme ça qui se passent à partir de la fin des années 90, qui commencent un peu à agiter les sciences sociales, notamment dans les années 2000. Et puis effectivement, à partir de cette deuxième moitié des années 2000, vous avez de plus en plus de travaux, à la fois sur l'histoire de l'esclavage, sur la mémoire de l'esclavage aussi, plus en sociologie ou en sciences politiques. Vous avez des choses autour de racisme, antiracisme, les transformations du racisme. Mais ça correspond en fait à des transformations du monde social. Ce n'est pas des choses créées par l'université, c'est des choses qui se reflètent dans l'université parce qu'elles sont de plus en plus présentes dans l'espace social. Mais il se passe aussi quelque chose à la fin des années 2000. Il se passe qu'à partir de 2007 notamment, et avec tout le débat autour de l'identité nationale, vous avez, et ça c'est une chose qu'on a pu vérifier avec l'ensemble des associations antiracistes, de la LICRA à SOS Racisme, en passant par le CCIF, qui nous ont tous dit: débat sur l'identité nationale, libération de la parole raciste dans l'espace public, les hommes politiques sont sans filtre. Hommes et femmes politiques. C'est-à-dire qu'on a une libération de la parole raciste à partir de ce moment-là. Moi, je prendrais un commencement plus éloigné dans le temps. Michel Viviorca, président de la FMSH. Moi, je pense que c'est dans les années 80 que tout ça a commencé à se mettre en place. Peut-être deuxième moitié des années 80. Disons, quand la France a commencé à prendre conscience, c'est le livre de Gilles Kepel sur les banlieues de l'islam, que les populations immigrés venus du Maghreb étaient appelés à devenir des populations qui peuplaient le pays et non plus des populations, des immigrations de travail, que l'islam devenait une réalité dans notre pays et pas simplement un phénomène un peu lointain, et que le Front National, dans le même contexte, se développait d'ailleurs en faisant de l'immigration son cheval de bataille. Donc pour moi, le tournant, il est plutôt dans ces années-là. Et il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup. Moi, j'étais partie prenante de beaucoup de débats dans ces années 85, 90. Donc, bien avant 2005, les questions étaient posées. Et donc, 2005, c'est un moment effectivement intéressant parce que c'est le moment où la question, je vais le dire comme ça, s'indigénise. C'est-à-dire, c'est l'année où apparaissent les indigènes de la République. C'est l'année où apparaît le CRAN. Moi, j'ai beaucoup soutenu le CRAN. Je suis encore président du conseil scientifique du CRAN. Donc je suis invité au dîner du CRIF, j'ai été invité au dîner du CRIF dans le passé, non pas comme juif, mais comme noir. Ah oui, en tant que représentant. En tant que président du conseil scientifique du CRAN, ce qui m'a beaucoup amusé. Et donc, c'est vrai, c'est 2005 le côté indigène, le côté noir, si vous voulez, du débat prend forme, alors que dans les années 90, on ne parlait pas du tout des noirs. Et que le thème colonial n'était pas très fort dans le débat public. Donc, je dirais plutôt, moi, que le point de départ de tous ces débats, c'est la fin des années 80, mais que 2005, c'est effectivement un moment d'inflexion, de transformation, d'élargissement de ces questions. Ça me fait plaisir de voir vos mains en l'air. Stéphane Pocrin. Ça me fait plaisir de voir vos poings levés. Mai 2005. Car c'est un signe de lutte. C'est un signe de respect, c'est un signe de dignité. Je pense à l'Afrique qui a été meurtrie, qui a été violentée. Je pense à la Caraïbe. Je pense aux Amériques. Et je pense à la France où nous nous trouvons. Je pense à mes ancêtres. Je pense à ce qu'ils ont enduré. Et je pense à vous, femmes et hommes de ce pays, qui tous les jours avez à souffrir du racisme, des discriminations, qui tous les jours avez à supporter le poids des combats que nous n'avons pas menés. Je pense à vous qui aujourd'hui, en même temps que vous levez le poing, relevez la tête. Je pense à vous, femmes et hommes de ce pays, qui demain allait obliger la République à respecter sa devise. Nous voulons la liberté, enfin. Je pense que c'est que l'esclavage et la colonisation ont très, très largement façonné la société française. Il y a Stuart Hall, qui est donc un intellectuel britannique d'origine jamaïcaine, qui est arrivé en Grande-Bretagne dans les années 50 et qui dit « Mais en fait, je suis là depuis plusieurs siècles. » Je suis le sucre au fond du thé de tous les Anglais. Je suis le sucre qui gâte les dents des petits Anglais depuis plusieurs siècles. Je suis là depuis très longtemps. Je la trouve très marquante, cette image, parce que les îles à sucre, elles ont largement transformé la consommation et la manière de voir aussi le monde, y compris en France. Le droit français a été travaillé par ce qui se passait là-bas dans les colonies. On a des gens qui venaient du monde colonial et qui venaient avec leurs esclaves sur la terre de France, que les débats au moment de la Révolution française sont très fortement marqués par la question de l'esclavage, du maintien de l'esclavage ou du non-maintien de l'esclavage, que la République en fait s'enorgueillit d'avoir aboli l'esclavage à chaque fois qu'elle a été proclamée en France. Donc je pense que tout ça, c'est des histoires qui sont très, très, très, très intimement liées à l'histoire politique et à l'histoire sociale de la France. Moi, monsieur, j'ai fait la colo, Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie, autant béni des colonies. Les guerriers m'appelaient grand chef, autant glorieux de la web. J'avais des ficelles au képi, autant béni des colonies. Est-ce qu'il y a en France, à votre avis, Christophe Rochasson, une résistance particulière sur la question de la colonisation et de la décolonisation par rapport à d'autres pays d'Europe ? Je ne crois pas du tout. Christophe Rochasson, président de l'UHESS. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux et tout à fait renouvelés par des jeunes chercheurs sur les questions coloniales. Il me semble au contraire qu'il y a une floraison de travaux. Bon, d'abord, il faut savoir rendre hommage aux grands anciens. Il y a eu quand même des travaux tout à fait importants, des chercheurs importants, une grande tradition d'histoire coloniale. Les termes de cette historiographie ont changé, mais comme toutes sortes d'historiographies. On prenait souvent, à juste titre, l'exemple, c'est vrai que dans le grand ouvrage dirigé par Pierre Nora, des lieux de mémoire qui a fait date dans l'historiographie nationale, la question coloniale était quasiment absente. Bon, on s'est souvent adossé là-dessus pour dire que la France était en retard. Elle l'était d'une certaine façon, mais la question était quand même... Il y avait encore une fois, de grands spécialistes de ces questions-là, et aujourd'hui, ce n'est absolument plus le cas. Est-ce que c'est un retard par rapport à d'autres pays? Oui, sans doute, parce que la France entretenait avec son ancien empire colonial des relations compliquées, qu'elle avait été une grande puissance coloniale et qu'elle avait réglé la question coloniale en d'autres termes que les Anglais l'avaient fait. Aussi au regard des États-Unis, qui avaient par rapport à ces questions un autre rapport que... qu'une puissance coloniale comme la France. Bien sûr que tout ça est intervenu. Mais je crois que là, cette histoire est... Enfin, cette non-histoire, si vous voulez, ou cette histoire insuffisamment développée est plutôt derrière nous. Un livre comme le livre d'Emmanuel Saada, « Les enfants de la colonie », a dû être publié, sa thèse, au début des années 2000, quelque chose comme ça. Oui, je pense, je dirais une quinzaine d'années, une vingtaine d'années que les choses ont commencé à vraiment décoller. Et là, je pense que à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, la France restait encore très concentrée sur une partie de sa mémoire qui, comme vous le savez, tenait beaucoup à la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, à Vichy, à la Résistance, et qui l'a, dans ce dernier tiers du XXe siècle, beaucoup préoccupé. Hein. Ce serait de renvoyer au discours du président Chirac de 1995. Bon, je ne dirais pas que le problème est réglé avec cette mémoire-là, mais elle est quand même beaucoup moins vive, et donc elle a laissé la place à une autre mémoire, qui est la mémoire d'un passé colonial. Les mémoires sont les mémoires, vous me direz, ne sont pas tout à fait de l'ordre, même pas du tout de l'ordre scientifique, mais elles pèsent sur les préoccupations du savant, sur les ouvertures de nouveaux champs d'intérêt. Et je crois que ce qui explique aussi ce renouvellement-là, c'est ce rapport nouveau à cette mémoire. Peut-être pour donner une distinction, Anne Lafont, chercheuse à l'EHESS. De mon point de vue, l'histoire coloniale et les questions postcoloniales s'interrogent sur la persistance, si vous voulez, d'un système politique qui perdurerait sous d'autres formes, même avec les indépendances politiques. Ça, c'est une première chose, peut-être, des études postcoloniales qui s'interrogent là-dessus. Comment se fait-il que l'indépendance politique n'a pas mis fin à un système d'un rapport nord-sud, pour le dire très très vite, justement, ou inéquitable, je dirais, hein, ou inégalitaire. Et le décolonial, c'est davantage lié à une déconstruction interne qui vient essentiellement de penseurs d'Amérique latine qui ont été indépendants dès le 19e siècle, hein, bien avant les indépendances africaines, et qui ont traité ou tenté de comprendre les mentalités, on peut dire, ou la question de la colonialité bien après le système colonial lui-même, c'est-à-dire indépendamment d'un système, d'un rapport colonial encore vif ou encore très récent. Donc c'est une manière de faire en sorte de reprendre finalement les systèmes de pensée pour les émanciper d'une colonialité qui est active par-delà, je dirais, justement, des contextes politiques très très clairs de colonisation. Le terme décolonial, il est polysémique. Abdelali Hadjat, Université libre de Bruxelles. Historiquement, c'est une pensée qui a été forgée en Amérique latine par des penseurs comme Walter Mignolo, par exemple, qui ont pour objectif de remettre en cause certaines catégories de pensée qui, selon eux, ont été construites dans un moment précis de l'histoire européenne et qui ne permettent pas de penser d'autres réalités sociales, donc les réalités sociales non européennes. Et donc, c'est une question épistémologique. Donc, il faut réfléchir à des catégories de pensée propres au monde du Sud, comme ils disent, pour pouvoir penser une véritable logique d'émancipation, etc., etc. Donc, ça signifie que la production de savoir, c'est une production qui est liée à des relations de pouvoir et que nos catégories de pensée en elles-mêmes ne sont pas neutres. Voilà. Donc, c'est un peu ça le principe, me semble-t-il, de base, et qui rejoint une partie de ce qu'on peut appeler la pensée postcoloniale, et donc notamment du fameux livre de Dipesh Chakraborty, qui intitulait « Provincialiser l'Europe », et qui avait pour objectif, lui aussi, de réfléchir à la construction d'autres catégories, ou des catégories plus adaptées à d'autres situations. Bref, donc ça c'est une perspective intellectuelle, de recherche qui est tout à fait légitime en soi, mais qui a débouché sur des acceptions très différentes et très très contradictoires du décolonial, à mesure en fait qu'il a été approprié plutôt par des chercheurs de d'autres disciplines que les sciences sociales, des militants. Et donc on peut pas, à mon avis, dire qu'il existe des postcoloniaux ou des décoloniaux, comme on ne peut pas dire qu'il y a des universalistes en soi, dans la mesure où ce sont des catégories polysémiques en elles-mêmes, et que finalement il y a une lutte pour pouvoir se revendiquer de ces catégories. Je crois que c'est un champ qui est construit surtout par ceux qui ne l'aiment pas. Disons qu'il y a une pensée décoloniale qui essaye de faire le lien entre cette histoire de la colonisation, les ratés, c'est le moins qu'on puisse dire, de la décolonisation, et la permanence de certaines formes de pensée et de structures institutionnelles qui reconduisent, en tout cas qui maintiennent les traits de représentation à l'égard des populations qui ont été colonisées dans le cadre de la France contemporaine, mais qui est valable aussi en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et aux États-Unis également. D'ailleurs, le terme colonial est un peu abusif, parce que dans la mesure où ça peut concerner des populations du Sud qui n'ont pas été colonisées au sens strict. Par exemple, les Turcs sont concernés en grande partie par les mêmes mécanismes, ils n'ont pas été colonisés. Donc la question coloniale, stricto sensu, doit être étendu de façon plus large à un rapport en fait entre l'Europe et le reste du monde. Il y a un prisme qui est le legs en fait de l'expansion européenne tout au long de 5 siècles et demi, et la façon dont elle a justifié en fait sa domination du reste du monde à travers des théories de supériorité raciale ou de supériorité culturelle, et les conséquences que ça a une fois que on est sorti de ce cycle en théorie depuis les années 60, sur les formes de coexistence, en tout cas de vie en commun, dans des sociétés multiculturelles aujourd'hui dans les pays du Nord. Certaines femmes s'estiment opprimées par les hommes. Elles se sentent en marge de la société et désirent fortement la réformer. Pour savoir ce qu'elles souhaitent, nous avons jugé utile et intéressant de les laisser s'exprimer. 4 militantes du MLF, Christine, Danielle, Anna et Jocelyne, ainsi que Delphine Serig et Monique Witting, s'explique sur la naissance, les problèmes et les objectifs du MLF. Le MLF n'a été créé par personne. Il a pris naissance en France, à la suite, sans doute, et dans la foulée de mai 68, par le rassemblement d'une dizaine de femmes, puis 15, puis 100, et aujourd'hui, au début de l'année 72 par des milliers de femmes, non seulement sur la région parisienne, mais en province, partout en France, dans les lieux d'habitation, dans les lieux de travail, dans les lieux d'études, et non seulement en France, mais dans la plupart des pays d'Europe. Les études féminines ont aussi connu leur révolution. Avec l'arrivée des études de genre, qui ont bousculé une tradition attachée à l'universalité, et plus récemment encore, avec l'introduction du concept d'intersectionnalité, objet de toutes les critiques. Actuellement, plus de 4 générations travaillent de concert sur l'histoire des femmes. Christine Barre, historienne, Université d'Angers. Histoire des femmes dans les années 70 et à partir des années 90, on commence à parler de genre. Donc le genre apparaît comme un concept venu des États-Unis qu'on connaît en particulier à travers un article célèbre de l'historienne Joan Scott qui parle du genre comme d'un rapport de pouvoir. Et assez vite, le mot va entrer dans notre vocabulaire courant. Avec des réticences qui se voient notamment à travers l'utilisation du terme gender et non pas genre, avec l'idée que ce concept serait intraduisible et serait au fond une importation un petit peu problématique venue du monde des universités américaines sur lequel il y a pas mal de fantasmes en France. Effectivement, les études féministes en France, elles étaient marginalisées, avec une très faible reconnaissance institutionnelle. Éric Fassin, Université Paris 8. En particulier, ça s'est traduit par le fait de prendre ses distances par rapport au concept de genre pour beaucoup d'universitaires, y compris féministes, pour ne pas être taxés d'importation du communautarisme américain, etc. Ou bien de ne pas être accusé de participer d'une guerre des sexes à l'américaine. Donc tout cela, ça explique pourquoi on a le sentiment que le genre arrive après, à partir des années 90 et surtout à partir des années 2000. À partir des années 90 de manière moins visible et plus marginale, et à partir des années 2000 de manière plus visible et moins excentrée. Même si, encore une fois, il ne faut pas exagérer cette reconnaissance relative accordée aux études de genre en France. Pourquoi, dans les années 90, a-t-on vu bouger les choses? Il y a des raisons qui sont extérieures au monde universitaire, qui sont le fait qu'à la fin des années 90, entre tout ce qui s'est passé autour du PACS d'un côté et tout ce qui s'est passé autour de la parité de l'autre, ces questions sexuelles qui touchent au genre et à la sexualité, elles devenaient un objet de débat public. Tout le monde s'est mis à parler de tout ça, de l'ordre sexuel. Donc, c'est de l'extérieur même de l'université qu'est venu un regain d'intérêt pour ces questions. Elles sont apparues comme importantes parce que elles étaient importantes dans la société. Et donc, il était difficile de dire qu'elles n'avaient aucune pertinence, qu'elles ne concernaient que des petites minorités, ou bien que c'était juste des histoires de bonnes femmes. Après tout, manifestement, on était en train d'en parler tous les jours, à la radio, à la télé, dans les journaux, etc. De manière générale, on insiste à une forme de redécouverte perpétuelle. On a l'impression que c'est quelque chose qui relèverait d'une extrême nouveauté. Clyde Plumosil, chercheuse. Alors même que ça fait plus de 50 ans, en fait, que les études de genre se sont installées progressivement dans le paysage universitaire français. Donc cet effet de redécouverte perpétuelle, il est un peu lié à la difficulté qu'ont eu les études de genre à s'institutionnaliser dans le paysage français. Donc on peut, en gros, effectivement, dire que ces dernières ont commencé à essaimer dans les années 70, notamment, évidemment, à Toulouse, à Lyon, évidemment aussi à Paris 7, et se sont développés progressivement dans les universités de Paris et des grandes métropoles régionales. À savoir qu'aujourd'hui, je crois qu'on a une dizaine de masters à peu près spécialisés sur les questions de genre. Donc il y a une vraie offre de masters maintenant dans le paysage universitaire depuis le début des années 2000. Dans les années 2000, ça va se traduire par le fait qu'il va y avoir une nouvelle reconnaissance de ce champ d'études à travers des publications, à travers des colloques, à travers des financements publics, des traductions aussi. Mais cette nouvelle reconnaissance, elle est prise dans un contexte plus général où on nous explique que finalement, eh bien tout cela c'est moderne, c'est tourné vers le progrès. Quitte à dire que d'autres, ailleurs, ne serait pas dans cette logique que j'appelle pour ma part de démocratie sexuelle, c'est-à-dire qui serait en quelque sorte à rebours du mouvement de l'histoire. Ce qui se passe à partir des années 2010, c'est quelque chose qu'on avait pu voir venir, bien sûr, mais qui n'était pas encore central en France. C'est une logique diamétralement opposée. Non pas de dire c'est formidable, c'est moderne, mais c'est terrible, c'est moderne. Et en particulier, c'est une mobilisation qui a son origine du côté du Vatican, qui en 1995, à la Conférence internationale sur les femmes de Pékin, le Vatican avait découvert l'importance du concept de genre et aussi son potentiel subversif, puisqu'il interrogeait l'évidence des choses. Et donc, le Vatican s'est beaucoup mobilisé, et en particulier théoriquement, c'est-à-dire en produisant une théologie du genre, qui était une manière de contrecarrer ce que les conservateurs appellent le féminisme du genre. Mais pour que ce soit traduit dans des actions politiques, il a fallu des mobilisations. En France, il y avait déjà eu une première alerte, en quelque sorte, à propos du baiser de la lune en 2010, ce dessin animé qui était accusé de faire la promotion de l'homosexualité pour les enfants. Mais ensuite, surtout en 2011, avec la mobilisation contre les programmes de SVT qui incluaient la question du masculin et du féminin. Là, on voit bien que ça déborde très largement du cadre catholique, puisqu'il va y avoir des mobilisations de députés et de sénateurs qui n'ont rien à voir avec le catholicisme, mais qui, néanmoins, se saisissent de ce levier dans une logique de réaction contre ce qui est perçu comme une modernité sexuelle dangereuse. Voici précisément ce qu'a dit le pape. France Inter, octobre 2016. Un père de famille français m'a raconté cette scène. À table, il demande à son fils de 10 ans ce qu'il veut faire plus tard, et le fils lui répond: bon, je veux devenir une fille. Le père s'est rendu compte que les livres du collège enseignaient la théorie du genre. Ceci est contre les choses naturelles. Qu'une personne change de sexe, c'est une chose. Mais c'en est une autre de l'enseigner dans les écoles pour changer les mentalités. J'appelle ça la colonisation idéologique. C'est difficile de hiérarchiser ce qui aurait provoqué les réactions les plus épidermiques sur les problématiques liées au genre, puisque à peu près tout dérange dans le genre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le genre est arrivé, c'était déjà trop. Trop excessif, trop militant, trop bruyant, trop dérangeant d'une certaine manière pour l'austérité des sciences humaines et sociales à l'université. En fait, on reproche au genre, mais de manière plus générale à tout ce qui relève des catégories dites de la différence, donc la classe, la race, l'âge, la sexualité, on reproche à cet outillage des sciences sociales de ne voir tout que sous l'angle de la domination, des rapports de pouvoir, des identités spécifiques, d'une sorte de sécessionnisme des individus en société, plutôt que de voir ce qui crée du lien, ce qui crée de la cohésion, du consensus, ce qui fait progrès aussi dans la marche de l'histoire. Et en gros, on reproche au genre d'être un fauteur de troubles, en fait, dans le grand récit national. À quel moment les études féministes vont s'emparer de l'intersectionnalité, du concept d'intersectionnalité ? Alors, c'est sous l'influence notamment des études liées aux questions de race que l'intersectionnalité s'est déployée dans le champ des études de genre. Donc, je dirais en France, dans dans les années 2000, plutôt à la fin des années 2010 véritablement, que le mot intersectionnalité, quand bien même on pouvait avoir des approches dites intersectionnelles, c'est-à-dire où on imbrique les différents rapports de domination pour comprendre ce que sont les modes d'existence des individus, à savoir qu'on n'est pas que femme, par exemple. On peut être aussi une femme blanche, mais une femme blanche lesbienne, une femme blanche lesbienne des classes populaires. Et l'ensemble de ces identités crée une expérience particulière qui fait que non, toutes les femmes n'ont pas une même destinée commune. Donc, bien évidemment, depuis finalement presque le début des études féministes, depuis les années 70, on pense l'articulation de différents rapports sociaux. Mais on n'avait pas nécessairement le terme pour articuler cette méthodologie. Et ce terme, c'est effectivement celui d'intersectionnalité. Donc à partir de 2010, véritablement, l'intersectionnalité devient non pas un label pour une méthodologie en sciences sociales, mais devient une façon de dire cette articulation des rapports sociaux. Et par ailleurs, propose quelque chose d'intéressant, à savoir que c'est pas un concept, l'intersectionnalité, c'est une façon de voir. C'est un peu comme des formes de lunettes qu'une fois que vous les mettez et que vous comprenez que la réalité sociale fonctionne comme ça, c'est compliqué de les enlever. C'est pas, on les met de temps en temps et puis on les met pas à d'autres moments. Une fois que vous comprenez que la réalité sociale fonctionne comme ça, c'est compliqué de ne plus l'être, en fait. Ce qui est critiqué, c'est la dimension victimaire. Enfin, je veux dire, moi, c'est quelque chose qu'on m'a dit à l'université, arrête d'être dans une position victimaire. C'est un peu facile de réduire à la fois des revendications antiracistes, mais également des réalités du monde social à une posture qui serait victimaire. On n'est pas dans un modèle rigide avec l'intersectionnalité qui, pour le coup, est donc effectivement assez mal comprise par les gens. On est dans un contexte donné. Quel type de force s'exerce sur quelqu'un? Voilà, la personne qui est en bout de chaîne et sur qui va s'exercer un certain nombre de choses, c'est le jeune homme identifié comme noir ou arabe, jeune plutôt, et qui lui va être considéré comme étant à risque et va donc provoquer un contrôle d'identité beaucoup plus important. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, j'ai eu une étudiante pendant des années qui n'avait plus de papier. Sa stratégie pour éviter d'être contrôlée, c'était d'arrêter de fréquenter les hommes de sa famille dans l'espace public, parce que le meilleur moyen, les seules fois où elle se fait contrôler l'identité, c'est quand elle était avec ses cousins. Donc, si vous voulez, l'intersectionnalité, elle est complètement comprise par les gens. Les parents de garçons noirs leur donnent leur carte d'identité à partir de l'âge de 12-13 ans lorsqu'ils sortent dans la rue. Les parents de petites filles noires ne le font sans doute pas, ou ils le font peut-être plus tard, parce qu'ils savent que globalement, on contrôle très peu. En tout cas, on contrôle moins les filles de cet âge-là. Et puis, les enfants de parents blancs, en fait, ils leur donnent pas leur carte d'identité parce qu'ils vont la perdre. Parce que c'est des enfants et qu'ils n'ont pas à avoir leur papier d'identité. Donc, c'est ça, en fait. C'est quelque chose qui est très contextuel, qui bouge. Mais je crois qu'on doit regarder le racisme... Angela Davis. Premièrement, comme 1975. Un arme de la classe dominante. D'abord pour surcroître les profits des capitalistes, mais aussi pour confondre les blancs. Et pendant toute l'histoire des États-Unis, le racisme a été l'arme la plus importante dans l'arsenal de la classe dominante. Alors, moi, la connaissance que j'ai de ce dossier, c'est plutôt les années 90, Kimberlé Crenshaw, une militante, quelqu'un qui est très lié à des mouvements contestataires sur ces enjeux-là. Elle montre que la justice américaine met dans des silos différents les affaires de race ou raciales et les affaires de genre. Or, dit-elle, souvent, ces deux questions devraient être traitées en même temps, parce que si on prend en même temps la dimension raciale et la dimension de genre d'un crime ou d'une affaire importante, eh bien on s'aperçoit qu'on dit des choses plus fortes que si on les sépare. Donc elle, conceptuellement, c'est très intelligent. Donc je défends l'intérêt intellectuel de cette conceptualisation qui est une critique du système judiciaire et qu'on peut étendre. Alors à partir de là, il va y avoir beaucoup de débats. D'abord, pour savoir qu'est-ce qu'on fait de la question sociale en plus de la question de la race et de la question du genre, pour savoir aussi si vraiment, concrètement, les discriminations peuvent se cumuler, peuvent se rencontrer. Il est très important de montrer comment il peut y avoir ou non intersectionnalité. Il n'y a pas forcément toujours intersectionnalité dans la réalité vécue, parce que la figure qui ressort de ce débat sur l'intersectionnalité, c'est la femme de couleur. J'utilise un vocabulaire qui n'est peut-être pas parfaitement politiquement correct, mais enfin, la femme de couleur qui, en plus, cumulerait d'autres discriminations subies, d'autres injustices, et on en fait, si vous voulez, le sel de la terre. Or, cette femme, plus elle est au carrefour, justement, de différentes injustices, moins elle peut être le sel de la terre. Autrement dit, plus elle devient une figure extrêmement exceptionnelle ou rare dans sa pureté. Et donc, je pense que les combats politiques d'aujourd'hui fonctionnent autrement dans leur réalité concrète que sur le mode de l'intersectionnalité. C'est là où, autrement dit, je conteste les usages politiques d'un concept que je trouve intéressant. Et j'ajoute ceci, il est difficile de faire un usage politique de cette figure pour une autre raison, qui est que cette figure n'a rien de positif à proposer. Je vais faire une comparaison. J'ai beaucoup étudié le mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier a une face, un peu comme l'intersectionnalité, négative. C'est pas un jugement de valeur, mais une face privée d'eux, une face discriminée, une face exploitée. Oui, ça c'est très fort. Mais il y a toujours eu aussi une autre dimension dans le mouvement ouvrier qui est j'apporte quelque chose à la vie collective. Je suis le créateur des richesses. Sans moi, la société ne peut pas fonctionner. Donc, j'incarne quelque chose qui est de la production, de l'innovation, du savoir-faire, du métier. J'ai un apport. Et ce qui a fait la force du mouvement ouvrier, c'est la rencontre d'une face plutôt défensive. Je suis privé d'eux, je suis exclu, je suis soumis. Et de la mise en avant d'un apport. Et donc, je pense que dans la figure de la femme de couleur discriminée, pour aller vite, socialement, dominée, exclue, je pense que cette figure-là, telle qu'elle est présentée dans l'intersectionnalité, n'est jamais dotée d'éléments positifs, de l'image d'un apport à la vie collective. Et je pense que ça aussi, c'est une faiblesse politique, si vous voulez, que de croire qu'on peut construire des contestations puissantes uniquement sur une base de je suis privé de, je suis exclu, je suis dominé, etc. Une vision de l'intersectionnalité que vous comprenez ou que... Je la trouve excessivement paternaliste. De penser que la conscience ouvrière est la seule dimension qui permet de revaloriser son statut et d'être un outil de transformation, un outil collectif de transformation sociale, c'est penser que les femmes noires ne sont pas un outil de transformation sociale. Qu'elles ne peuvent pas, elles aussi, fournir un outil de transformation sociale. Donc je pense que c'est très problématique comme vision. En réalité, ce que l'intersectionnalité permet, c'est de restituer quelles sont les formes de hiérarchie sociale. Or, si ça dérange beaucoup de monde, c'est qu'en fait, en haut de cette hiérarchie sociale, c'est quand même les hommes blancs hétérosexuels. C'est ça dont il s'agit. Et c'est plutôt eux que ça dérange qu'on en parle beaucoup. Parce que de fait, ça les extrait en partie de ces modes de domination que eux exercent, ou en tout cas dont ils bénéficient, qu'ils les exercent ou pas. De toute façon, le problème n'est pas là. Donc, ce que ça apporte, l'intersectionnalité, c'est de comprendre avec plus de finesse hein, quelles sont les articulations, les formes de combinaisons variables, de telle sorte que, par exemple, oui, c'est vrai aussi que la classe ouvrière blanche a un petit intérêt et un petit avantage sur la classe ouvrière noire, par exemple. On a des quantités de travaux en France aussi. Par exemple, si vous prenez un des livres cultes, dans l'analyse du travail à l'usine qui s'appelle L'établi, de Robert Linhart. Si vous regardez L'établi et que vous le lisez, je trouve ça fascinant, personne ne le commente comme ça, c'est une description extrêmement méticuleuse et précise de l'organisation ethnique du travail sur les chaînes de Citroën à l'époque, dans les années 60. Il explique avec un grand luxe de détails comment les Maliens sont mis à tel endroit, comment les Yougoslaves sont mis à tel autre endroit, tout est ethnicisé dans cette... Et ça, c'est la grande phase du mouvement ouvrier des années 60. Et aujourd'hui, on va nous raconter que là, on était au-dessus de la question de la race et qu'aujourd'hui, on est tombé dedans. C'est malheureux, c'est dramatique. Enfin, on est complètement aveugle. On n'a pas voulu comprendre et voir ce qui se passait et ce qui se jouait dans les années 60 déjà. Aujourd'hui, la progression de la classe ouvrière française s'est faite par le fait que les ouvriers algériens en particulier ont occupé les fonctions les plus subalternes et n'ont pas changé en l'espace de 30 ans. On a des résultats de recherche absolument incontournables qui démontrent que ils ont été embauchés en dessous de leur niveau de formation, payés moins que les ouvriers italiens. Il y avait des discriminations absolument massives à ce moment-là, dans les années 50-60, et ensuite sont restés au bas de l'échelle sociale, permettant à tous les autres de monter à l'intérieur de l'échelle professionnelle, à la régie Renault, à Citroën, et dans la grande industrie en général. Donc, c'est quand même un autre regard sur la société d'expliquer que un des moteurs de cette mobilité sociale collective, c'est qu'il y a eu des perdants. Et ces perdants, ils n'ont pas n'importe quelle caractéristique. Alors peut-être que ça dérange beaucoup de monde de le mettre en évidence, mais ça reste quand même un élément de compréhension des mécanismes. Et dans le cas français, on sait aussi qu'une partie de cette transformation, ou en tout cas de cette mobilité, s'est faite dans ces conditions d'immigration importantes. Je crois qu'une des clés de compréhension, et c'est là où il y a une dimension démographique qui est immanquable, c'est que c'est pas la même chose quand on parle d'1% de la population qui est une minorité opprimée, en difficulté. Bon, c'est pas marrant pour elle, c'est important, c'est des sujets dont on peut débattre sur un certain nombre de... Mais ça change pas la société. Ça envoie un message du point de vue de son idéal politique, de sa capacité à respecter son propre credo d'égalité, mais ça ne change pas les mécanismes de fonctionnement. Là, on parle de 25% de la population. Ça veut dire que en Île-de-France, le marché du logement... Il est construit autour du fait qu'il y a une partie des gens qui vont pas avoir accès dans les mêmes termes que les autres aux appartements. C'est-à-dire que votre accès à un appartement, le mien, il est déterminé par le fait qu'il y en a d'autres qui n'y ont pas accès. Et ça, c'est quelque chose qui modifie complètement le fonctionnement de la société. C'est pas une position marginale réservée à une petite niche d'analyse qui va se maintenir quelque part. Ces travaux-là et cette façon de considérer la société lèvent le voile sur des mécanismes qui nous concernent tous. Quand la recherche s'empare de la question de la race, avec Patrick Simon, Audrey Célestine, Éric Fassin, Michel Viviorca, Sarah Mazouz, Christophe Prochasson, Anne Lafont, Christine Barr, Clyde Plumosil, Abdelali Hadjat. Prise de son, Georges Thau, Benjamin Thuot, Yvan Turc, Yves Lehors et Antoine Espel. Mixage, Claire Levasseur. Coordination, Perrine Kervran. Attachée d'émission, Marie-Vonne Abolivier. Un documentaire de Christelle Le Polotec et Somani Na. Demain le sport, une journée pour imaginer ensemble l'avenir du sport, mardi 19 septembre, à la Maison de la Radio et de la Musique, à Paris. Comment Paris va relever le défi d'accueillir l'an prochain les Jeux Olympiques et Paralympiques ?